un rassemblement des agriculteurs et des membres de l'Union des travailleurs agricoles pour prêter serment à l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung s'est déroulé le 6 juillet à la ferme maraîchère de Wollo de l'arrondissement de Mangyongdae de la ville de Pyongyang. Y ont pris part Lee Il-fan, chef de département du comité central du Parti du Travail de Corée, les cadres intéressés, les permanents et les membres de l'Union, ainsi que les agriculteurs. Les orateurs ont dit que la métamorphose de la campagne socialiste et le changement séculaire dans le remodelage du destin de nos travailleurs agricoles sont le résultat de l'amour ardent du camarade Kim Il-sung pour la patrie et le peuple et de son dévouement.